Le mois d'octobre est le mois de la liquidation des modèles 2017 chez Dolbo Auto. Des rabais allant jusqu'à 1 500 $ sur nos camionnettes Silverado et Sierra. Dolbo Auto est situé au 1770 boulevard Walbrook, Dolbo-Mistassini, au numéro de téléphone 418-276-0580. Toute l'équipe de Dolbo Auto vous invite à acheter localement pour garder nos emplois ici. Le nouveau magasin Canadian Tire du secteur de Dolbo vous invite à venir voir le plus grand choix de pneus d'hiver avec toutes les marques à des prix imbattables. De plus, nous vous invitons à voir nos spéciaux dans la circulaire Publisac distribuée tous les mardis. Canadian Tire, 1751 boulevard Vézina, Dolbo-Mistassini, 418-276-2385. Le propriétaire du magasin Canadian Tire, Monsieur Ken Bennett, vous invite à acheter localement pour préserver nos emplois chez nous. On va parler de la Ligue du Lac au Fleuve. C'était le match en fin de semaine à Charlevoix entre le MJR Express de Jonquière de Ville-Saint-Denis contre Charlevoix. On va parler également d'une bonne nouvelle, ce qui s'est arrivé la semaine passée. Yves Girard, le joueur robuste, va rester avec l'équipe pour le reste de l'année. Il y a eu une transaction également. Quoi qu'il en soit, on va parler avec Gino Gagnon. Salut Gino! Salut Danny! Gino, belle victoire de 4-2 chez vous contre, ou plutôt à Charlevoix. Il y avait encore, je vois encore une bonne foule, 635 spectateurs, c'est bon, hein? Oui, c'est une belle arena, puis il y avait de l'ambiance, Danny, puis je suis vraiment fier de mes gars. On a eu un bon match, ça a joué serré, ça a joué propre. Puis les gars ont répondu, les gars se sont présentés. Il y a un petit peu de bronze camarade, les gars ont très bien répondu. J'étais vraiment fier de mes hommes, là. C'est plaisant, tu sais, quand tu vois ça, l'esprit de corps, puis les gars qui se tiennent, puis les gars qui compétitionnent, puis, tu sais, je veux dire, c'est beau de voir des gars de cet âge-là. Tu sais, le hockey, là, tu sais, on joue pas pour l'argent, là, on joue pour notre hockey, non, on joue pour notre sport. Tu sais, c'est vraiment plaisant de voir ça, tu sais, des passionnés, là. En tout cas, moi, te dire en affaire, les spectateurs, ils en ont eu pour leur argent. Ça, je peux te le dire. Ben, effectivement. Puis, du côté des avantages numériques, je pense que ça avait marqué 2 buts, je pense, d'avantages numériques. Oui, les unités spéciales ont vraiment fait la différence dans ce match-là. On a eu beaucoup de punitions, surtout en première période. Les gars, ils ont vraiment bien joué, là. On a resserré les coudes, puis vraiment fier de mon désavantage numérique. Les gars ont fait de la job. Ils ont marqué un but en désavantage à la toute fin du match. C'est une rondelle qui a eu un mauvais rebond sur la bande. Okay. Malheureusement, notre gardien n'a pas été chanceux. Je tiens à souligner l'excellent travail de notre gardien. Vous savez, quand le désavantage numérique fonctionne bien, ben souvent le meilleur joueur, c'est notre gardien parce qu'il est quand même vulnérable au tir. Il y a un joueur de moins. Ah oui. Je pense que Chaillé là, a connu tout un match. On l'appelle pas The Wall pour rien. Ce soir-là, il était le mieux. Je peux te dire, les gars, ça a motivé les gars, puis c'était beau de voir ça. Parce que Raphaël, c'est un gardien qui est pas très grand, mais c'est un gardien qui se bat beaucoup. Fait que c'est spectaculaire de le voir. Il est excessivement rapide. Il était vif comme un chat ce soir-là. Je pense que Charlevoix vont s'en rappeler. C'est-tu un gars qui a joué dans le junior régional? C'est-tu... Alors, c'est un gars qui a joué dans la structure, je crois, quelques années au niveau du D1. OK. Après ça, il a joué au niveau, il a fait sa carrière là, au junior 2A. Puis ça a été un des meilleurs gardiens, je pense, de l'organisation. Il était très, très bon. Puis j'ai eu l'occasion de l'avoir aussi. En plus de ça, Raphaël, il s'occupe du hockey mineur, des instructeurs des gardiens de but. Il a travaillé pour moi au niveau du hockey mineur aussi. Là, présentement, je pense qu'il est avec les Mustangs, encore une fois, comme entraîneur des gardiens. Je pense que Raphaël, là, il a un bon lien avec les jeunes. En plus d'être un bon enseignant, il le démontre très bien dans le sujet. On est vraiment fiers de lui. On est bien content de l'avoir. 635 spectateurs. Hey, question. Tu fais-tu du recrutement, toi? Tu fais-tu du dépistage pour la prochaine année? C'est quoi? Parce que là, il y a plusieurs joueurs. Ma question, c'est que Jérémy Girard, le frère de Samuel, je vais essayer d'y parler cette semaine d'ailleurs, est en feu avec les Marquis de Jonquière. Est-ce que je pense qu'il appartient à Robertval. Mais c'est un natif de Robertval. Est-ce que tu fais déjà du recrutement pour l'année prochaine pour la Légion régionale, en plus, j'imagine, de travailler comme entraîneur des Marquis, pas des Marquis, mais du MGR? C'est quoi tu fais en fait? Ben, en fait, présentement, celui qui s'occupe des joueurs, c'est surtout Bob Desjardins. OK, OK. C'est mon directeur général qui gère beaucoup, beaucoup, beaucoup les joueurs. OK, faut faire des transactions, puis ainsi de suite, là. C'est sûr que moi, c'est ça. Puis moi, puis nos assistants, là, Jean-Philippe, Éric et Alexandre, non, c'est sûr qu'on aide aussi Bob là-dedans. Mais c'est surtout Bob, présentement, qui regarde les joueurs. Étant donné que Bob est déjà dans la Ligue junior régionale, fait que lui, c'est vraiment là, il est vraiment bien placé pour voir tous les gars. Puis il y a des bons contacts aussi au niveau de la province de Québec. Là. On sait que c'est un gars qui vient de Montréal, fait que il y a beaucoup de contacts. Fait que nous autres, c'est sûr qu'on va l'appuyer dans ça, mais c'est vraiment surtout Bob qui s'occupe des joueurs présentement. Parce que nous autres, je veux dire, avec on a l'équipe à diriger, puis c'est pareil au niveau mineur, c'est un peu le coach, il coach pendant son année. C'est surtout le directeur général ou avec ses recruteurs qui vont faire le dépistage. Okay. C'est sûr qu'à la fin de l'année, on va regarder, on va faire le bilan, puis on va regarder les joueurs, mais c'est surtout Bob présentement qui fait ça. OK. Hey, et bonne nouvelle, Yves Girard, ça c'est un homme, un joueur robuste, très robuste, on a ça, a décidé, au début, c'était juste pour 5 matchs, question de le rendre éligible, mais vous avez, pour les séries, c'est ça, et vous avez décidé finalement, lui a décidé de rester avec le MGR pour le restant de l'année. Ben, en tout cas, le MGR est vraiment content de compter sur Yves Girard, tu sais, quand on a un gars comme Yves Girard, je veux dire, quand je parlais au début de l'année, c'est au niveau que ça rassurait les joueurs. Je veux dire que quand il est sur le banc, les gars, ils ont un pouce de plus, là, puis ça paraît. Là. Puis, c'est un gars, il avait une excellente attitude. C'est vraiment un gars là, qui a le senior dans la peau. Là. Il connaît la game, puis il est là, puis il encourage les gars, il connaît son rôle, puis il a une excellente attitude. Puis, en plus de ça, quand je l'envoie sur la patinoire, ben, il ne nous met pas dans le trou, il donne son 110%. Mmh. Il fait le travail. Fait que, tu sais, des gars de même, tu sais, au début de l'année, je disais, Danny, les hommes forts, faut qu'ils le fassent, faut qu'ils soient capables de jouer. Ils sont capables de jouer, puis ça nous rend de merveilleux service. Puis, étant donné qu'ils sont capables de jouer, ben, l'adversaire, ils savent pas ce qu'ils vont faire. Mmh. Eux autres, dans le fond, ils ont le contrôle de la situation. Ils veulent y aller, ils vont y aller. S'ils ne peuvent pas, ils vont jouer. Puis c'est merveilleux pour ça. Là. OK. En fin de semaine, avant de parler du match de fin de semaine, transaction également au cours des dernières semaines de Luc Leclerc qui a été échangé. Je pense que c'est à Charlevoix, c'est ça? Oui, c'est ça. Disons qu'on avait un surplus d'hommes forts. OK. Puis, ça, on ne peut pas appeler tout le monde. Ça fait que, écoute, on essaie toujours de rendre heureux nos grosses. Fait qu'on. On l'a échangé, puis on est allé chercher David Duval, un défenseur originaire de la baie. Encore là, c'est une bonne personne. C'est un gars qui va nous amener de la profondeur à la ligne bleue. Fait que c'est un défenseur style défensif qui est assez robuste. Fait que, il va vraiment avec l'image de notre équipe. Il a pas froid aux yeux. Il est capable de faire une bonne première passe. On est vraiment content d'être allé chercher ce joueur. Prochain match en fin de semaine? Prochain match en fin de semaine. Encore une fois, on a un bon test. Écoute, on s'en va jouer à Forestville. OK. J'ai hâte de voir l'ambiance là-bas aussi pour pas les prendre à la légère malgré qu'ils ont des défaites. Je pense que c'est le danger. Forestville, c'est une équipe qui est fière. Puis il faut pas oublier qu'ils ont battu Charlevoix 7-1 dans un match hors concours. Mm. Tu sais, dans le senior, on sait jamais au niveau des aliments. Faut faire attention. C'est une équipe aussi qu'il va falloir travailler, je pense, leur défensive, puis mettre beaucoup de pression. Je pense qu'on va être capable d'avoir des bons résultats par rapport à ça. Ils ont des bons marqueurs, il va falloir faire attention. Ils ont des gens originaires de la baie qui jouent là-bas, donc Christopher Dallaire, Marc-Alexandre Trandé qui sont très, très bons. Fait qu'il faut, il va falloir les marquer solidement, puis c'est des gars qui ont le sens de la game, là, qui sont capables de faire des bonnes passes, puis capables de fabriquer des jeux, puis Dallaire, ben lui, on le connaît par sa rapidité, il va falloir le marquer comme il faut. Fait que si on met beaucoup de pression, puis on applique un bon marquage sur ces joueurs-là, en étant discipliné, les chances de gagner vont être encore plus bonnes. D'ailleurs. Ben, on se reparle lundi prochain, mais moi même pas, sur Gino. Il n'y a pas de problème, Danny. Ça nous fait toujours plaisir, l'organisation, de collaborer avec toi. L'instructeur-chef du MGR Express de Jonquière, Gino Gagnon.